Mange ton beurre, il t'en reste plein. Une émission musicale. Et bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième émission Mange ton beurre, il en reste plein. Alors cette semaine, et ben cette semaine, tradition oblige, c'est parti. Someone build a place to leave a space. vehicle pump. From somewhere other than a vehicle pump. From somewhere other than the Indians first on the bill, Carvel the Hill. C'était Zappa, un morceau intitulé Inca Roads de 1975 sur l'album One Size Fits All. Bon, ben, ça a pris un peu de temps, mais c'était bon. Là, on va enchaîner avec un morceau qui s'appelle Tour du Monde, d'un groupe que moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Aquaserge. We'll be right back. et ça s'arrête d'un coup. Et ben on continue, hein, parce qu'on est là pour écouter de la musique. Donc on part en Belgique avec Joy as a Toy et un morceau intitulé Tinderbox. Une émission très européenne hein, aujourd'hui. De Belgique, on part en Espagne avec un groupe qui s'appelle Unicornibot. J'ai beaucoup de mal à choisir un morceau parce que j'adore ce groupe. Franchement, j'adore ce disque d'Allé qui date de 2012. Et finalement, j'ai choisi comme morceau Abril Serral. We'll be right back. c'était bien l'Espagne. Bon, moi ça m'a plu. C'est le principal. Enfin, j'espère que vous serez aussi. Bon, d'Espagne, on part au Luxembourg avec le groupe Mutiny on the Bounty. Le titre c'est Iceland, tiré de l'album de 2015, Digital Tropics. Hop. triphasto, vieille pas triphasto. Bon, bah, hein, c'était bien, hein, moi j'ai bien aimé. Bah, vu que l'émission semble être européenne, du Luxembourg, on part en Pologne, avec un groupe qui s'appelle Tadva Massi, qui fait du jazz prog, on va dire. Et là, on va s'écouter un morceau intitulé Rubana Barbe. C'est parti! Thank you. C'était bien. Bon, allez, on va à Clermont-Ferrand. La semaine dernière, on est déjà allé à Clermont-Ferrand, mais bon, je pense que sans devenir une tradition, je pense qu'on va aller souvent à Clermont-Ferrand. Parce que bon, c'est Clermont-Satan, c'est la ville du rock'n'roll, c'est Clermont-Ferrand. Là, le morceau qu'on va écouter maintenant, c'est un morceau intitulé Yapati Yupata par Ultrazouk. Moi, je sais que j'adore ce morceau. Dès qu'on m'oblige à faire des sets de DJ, je commence toujours par ça pour donner l'ambiance, quoi, pour mettre à niveau. Bon, allez, dansez bien. C'est plus fort que moi. Alors, ce que vous entendez là derrière moi, c'est le début du morceau Albertine par Polymorphy, un groupe lyonnais. Donc, c'est leur disque Cellule qui est basé sur des textes de prisonniers. On retrouve Oscar Wilde, Verlaine, etc. D'autres encore, des anonymes. Bon, j'ai un peu discuté un peu pendant les Larsen. Alors je vais vous passer Albertine qui sera enchaînée avec OW3. Et puis on se retrouve après tout ça. Thank you. puisque ne doit supprimer tout de bon le tyran non semblable à moi arriver tant que seront fortes les lois. Laissez-moi échapper la dépouille innommable, piétiner ce corps dont vous êtes les rois, puisqu'il vous fut livré. Mais laissez-moi capable d'opposer cœur de haine et visage de bois. Je me confine en mes poisons au goût aimable. La nuit tourne au monde, j'ignore vos œillades. Je vois ceux qui ont faussé mon chemin dans l'ombre vaste et pure où vient mourir la vie. Finir cette émission avec le groupe BDC Label. C'est un groupe de Toulouse. Ils étaient venus à Montpellier. Ils ont joué devant 4 personnes. Il y a vraiment de quoi... de quoi, ben voilà. Voilà, bougez votre cul, allez voir des concerts. Et allez, BDC Label avec un titre qui s'appelle « Oh mon Dieu, ils foncent droit sur nous !» Là, vous avez entendu ce que vous avez raté? Imaginez en live, c'était très bon. Bon, manche ton beurre, il en reste plein. Numéro 2, c'est terminé. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, amusez-vous bien.